Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Mon nom est Luc Desormeau et comme à l'habitude, j'animerai cette belle émission écourtée cette semaine. Par exemple, on se fait une petite émission de Noël, ça va durer à peu près 30 de minutes. Et avec moi pour animer cette semaine encore une fois, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc! It's beginning to look a lot like Christmas. Bon. Tu continues ou je peux arrêter? C'est beau, je veux m'excuser auprès des auditeurs. Là. Vous êtes en train de vivre un peu ce que j'ai vécu la semaine passée en conduisant la cruise avec Marc, qui est du chant et tout ça. C'est difficile ses oreilles, je commence à m'en remettre, là, mais je veux quand même pas vous faire passer à travers cette pénible expérience. Donc non, Marc, c'est beau, on va parler au lieu de chanter, si ça te dérange pas. Pas de problème. C'est pas parce que c'est Noël qu'on va virer le show en comédie musicale. C'est épouvantable. Non, mais effectivement, ça va être une émission un peu écourtée cette semaine. D'abord parce que j'ai pas fini d'acheter mes cadeaux de Noël, ce qui est en soi un certain problème alors qu'on enregistre le 23. Non, mais tu sais que je suis pas tellement demandant n'importe quoi. Moi, je suis bien content. C'est exactement ça que tu vas avoir, n'importe quoi. Et l'autre affaire, ben, c'est que j'ai enregistré Le Sapin à des boules, fait que je vais me garder de la place quand même dans mon horaire pour regarder ça. Ouais. Je comprends pas l'engouement pour ce film-là. Je l'ai déjà regardé, puis il me semble que c'est pas si bon que ça. Mais tout le monde capote ce film-là chaque année. C'est comme devenu classique. C'est comme n'importe quoi. Là. C'est un film que tu regardes parce qu'il rejoue. T'sais, Le Miracle de la 34e rue, on l'a tous vu 2 500 000 fois. Puis on vient tout avec une petite larme au coin des yeux quand on le regarde pareil. Fait que t'sais, il y a comme des choses comme ça. Là. Mais nous, tu vois, on est des toughs. Ouais. Nous autres, on va parler de char aujourd'hui, même si c'est l'avant-veille de Noël. Bon, et théoriquement, on prend pas de pause, nous autres. Fait que donc, si tout va bien et arrive pas de petits problèmes, on va être là aussi la semaine prochaine. Parce que j'ai demandé à Marc, est-ce que tu veux prendre congé en Noël jour de l'an? Puis Marc m'a dit non. Donc. Non. En théorie, non. Sauf que le temps des fêtes étant ce qu'il est, bien sûr, on verra ce que ça va donner. Est-ce que vraiment on sera capable de le faire? On l'espère, mais au pire, on fera une émission écourtée comme celle-là. Et je vous promets que la semaine prochaine, je ne chanterai pas. Ben, j'espère que tu garderas ça pour faire du karaoké avec ton gars et ses amis. Là, en tout cas, on reviendra pas là-dessus. Marc, petite émission écourtée quand même, mais on va parler d'un sujet quand même intéressant. On a déjà parlé sur l'émission. On attendait que ça se règle au Canada, même si ça a été réglé un peu partout ailleurs dans le monde. Volkswagen qui finalement a un règlement pour ses clients du Canada. Oui, attention, je suis obligé de te reprendre. Ça n'a pas été réglé un peu partout dans le monde. Ça a été réglé uniquement aux États-Unis. OK, et maintenant au Canada. Que, OK, je pensais que c'était réglé en Europe aussi. En Europe, ils font rien. Ah, OK, ouais, c'est vrai. Parce qu'en Europe, ils n'étaient pas illégaux. Ouais, juste si. Alors, les conducteurs, les acheteurs de TDI en Europe n'auront pas de compensation. Ça finit là. Il n'y a pas de négociation, il n'y a rien. Alors que chez nous, bon, aux États-Unis, on le sait, ça a été accepté il y a déjà quelques mois. Chez nous, c'était le 19 décembre qui était la date butoir pour faire une présentation officielle aux tribunaux, parce que ça doit être autorisé par le tribunal. Ce qui a été fait, effectivement, une entente qui est, à mon sens, tout à fait raisonnable et comparable à celle qu'on retrouve aux États-Unis. Vite fait, là, les modèles, c'est ceux qui sont dotés du moteur 2 litres TDI qui était équipé d'un logiciel pour truquer les résultats des émissions polluantes. Ouais, moteur qu'on retrouve partout chez Volkswagen, Audi. Effectivement, ouais. Ça touchait aussi, tu te rappelles, les V6, certains V6 chez Audi, entre autres, mais ça, on va y revenir après. Alors, dans le cas du 2 litres, on a donc trouvé une solution, c'est-à-dire que l'on propose une compensation financière de l'ordre de 5 à 9 000 $ aux propriétaires de ces véhicules-là. Et je dis bien, là, c'est une compensation. C'est-à-dire que à partir du moment où ça va être accepté officiellement par le tribunal, et on estime que ça devrait être au mois de mars ou à peu près, c'est vraiment un montant auquel tous les propriétaires de Volkswagen 2 litres TDI touchés par ça vont avoir droit, selon l'année et selon ça. Après ça, s'offre des options aux propriétaires. C'est-à-dire, soit on la fait réparer, soit on la revend à Volkswagen au prix offert par le Canadian Black Book au 18 septembre 2015. Okay. Pourquoi le 18 septembre 2015? Parce que c'était avant la date où le scandale a éclaté, donc avant que la valeur des voitures ne diminue à cause de ça. Okay. Ou soit on met fin à une location, si c'est votre cas, là, si la voiture est louée, vous pouvez mettre fin à une location sans frais. Okay. Alors, c'est à mon sens assez intéressant comme principe. pour les propriétaires parce qu'ils vont effectivement avoir la compensation prévue qui est à peu près la même que celle aux États-Unis. La grande différence, en fait, réside dans le coût de rachat des véhicules parce qu'évidemment, tu comprendras qu'aux États-Unis, on ne se sert pas du Canadian Black Book. Là. Non, on se sert de d'autres choses, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors là, et depuis, il y a eu la dévaluation du dollar et tout. Donc, oui, ça a un certain effet, mais c'est assez mineur. Dans les faits, on est pas mal proche de ce qui se passe aux États-Unis. Alors, c'est, je pense, une excellente entente, une entente que les gens attendaient de toute façon depuis fort longtemps. Donc, on verra ce que ça va donner par la suite pour voir là, quels sont les gens qui vont retourner les voitures ou pas. Moi, je te parierais un vieux 2, par exemple, qu'en plus, ça va être bon pour Volkswagen. Oui, parce que, même là, tu sais, moi, j'ai un collègue qui est pris dans ce scandale-là. Là. Il y a une Jetta TDI avec le moteur 2 litres, puis il est encore en train de penser de peut-être changer ça pour un Tiguan ou changer ça pour une Golf All-Track ou même une Golf familiale. Tu sais, fait qu'il reste encore chez Volkswagen, fait que ça n'a pas brûlé tout le monde. Non, ben effectivement, moi je pense que les gens qui aimaient Volkswagen pour le plaisir de conduire de la voiture, ouais, pour la façon dont ça se faisait. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on va éliminer ça complètement, au contraire. Et si les vendeurs Volkswagen sont le moindrement intelligents, quand le client va arriver pour retourner sa voiture, on va lui dire, regarde mon grand, on te donne, je sais pas, moi, 5 000 $ pour ton char, plus 5 000 $ de compensation, tu as 10 000 $, ça te tente-tu de t'acheter un Tiguan ou n'importe quoi totalement neuf? Il coûtera pas cher, on va te faire un bon prix en plus. Alors, à mon avis, ça va même être bon pour les ventes de Volkswagen, parce que les gens qui sont fidèles continuent d'y être fidèles, et parce que, soyons honnêtes, la modification, la tricherie faite par Volkswagen, tout le monde en a parlé, tout le monde l'a dénoncé, mais tout le monde s'en sac un peu, dans le sens où ça n'affecte pas le comportement du véhicule, ça n'affecte pas la façon dont le conducteur conduit sa voiture. Oui, évidemment, ça a un impact environnemental majeur, mais au-delà de ça, est-ce que les gens sont véritablement affectés? Je suis pas convaincu du tout. Ouais, je suis d'accord avec toi parce qu'on n'achète pas une voiture. Tu sais, on n'arrive pas chez le concessionnaire. OK, moi j'aime bien cette voiture-là, mais c'est quoi son taux d'émission de CO2 dans l'atmosphère? Tu sais? Il n'y a personne qui magasine un char comme ça. Non, mais si tu vas te magasiner, tu vas constater que sur les fameux panneaux dans les fenêtres des véhicules, c'est marqué. Bon, oui. Les conditions de CO2. Puis c'est sûr que de ce point de vue-là, c'est une condition environnementale qui est intéressante. Mais en même temps, en tout cas, moi, je pense qu'effectivement, les gens ne seront pas si découragé que ça par rapport à Volkswagen et que ça devrait. Puis d'ailleurs, écoute, il suffit de regarder les résultats de Volkswagen jusqu'à date. Là. Ils n'ont pas baissé tant que ça. Oui, ils ont baissé, bien entendu, mais ils n'ont pas baissé tant que ça depuis le scandale. C'est sûr que ça lui coûte de l'argent. Ouais. On parle de 15 milliards aux États-Unis, on parle de 2,1 milliards au Canada. C'est sûr que ça prend les reins un peu solides, mais c'est une compagnie qui les a. Alors, je pense qu'ils sont relativement bien partis pour être en mesure de je dirais, de répondre à ça. Et à mon avis, ils vont garder le monde avec eux. Ça m'étonnerait même pas, là. Ouais. Si le problème serait aussi survenu en Europe, là, ça aurait été une autre histoire, par exemple. Mais, en fait, le problème est survenu en Europe. Là où il y a un problème, en fait, c'est que c'est pas illégal parce que ce niveau d'émission-là n'est pas mesuré de la même façon en Europe. Non, c'est ça. Mais s'il fallait qu'il y ait les mêmes règles et tout, puis ça aurait été mondialement, je suis pas sûr que Volkswagen serait encore capable de survivre. Mais là, vu que tu sais, ils ont quand même un bon taux de vente en Europe et un peu ailleurs, puis ça arrive ici, ils sont capables de se reprendre ailleurs. Tu sais, fait que c'est difficile, mais ils vont s'en sortir. Si ça avait été mondialement le même problème, ça aurait peut-être été plus dur pour Volkswagen. Ouais, c'est ça. En fait, mais à mon avis, c'est sûr qu'ils souffrent un peu partout de leur image là, mais les gens qui sont Volkswagen sont tellement définitivement trop Volkswagen que de toute façon, ils vont continuer d'y être associés. Bon, oui. Alors, tu sais, pour moi, c'est pas un problème. Un petit mot sur le fameux V6, le 3 litres diesel aussi. On le sait, ça avait été aussi affecté, mais ça ne fait pas partie de cette entente-là. On dit qu'on aurait trouvé une entente aux États-Unis pour les 200 000 véhicules touchés. Mais pour le moment, l'entente n'a pas été dévoilée encore. Alors, on verra ce que ça va donner, mais ça devrait être sensiblement le même genre d'entente. Ouais, j'imagine, ils peuvent pas vraiment faire quelque chose de différent pour de un à l'autre. Là, c'est le même problème. Non, sauf que la différence, c'est que c'est essentiellement, ça touche des propriétaires d'Audi. Donc, peut-être que la compensation risque d'être un peu plus élevée parce qu'évidemment, les voitures auront perdu davantage de valeur à cause de ça. On verra ce que ça va donner, mais effectivement, je pense que c'est ça la clé. Bon, c'est sûr, une voiture plus chère, tu devrais avoir plus cher. La compensation va être plus, va probablement être plus haute. Là. On va voir ce que ça va donner. Exactement. Ouais, on va voir ce Exactement. que ça va donner. Et pour les propriétaires de Volkswagen qui veulent savoir jusqu'à quel point ça les affecte, il y a un site qui s'appelle VW Settlement Canada, je pense. Mais faites une petite recherche assez rapide. Sur le site, vous pouvez entrer votre numéro d'identification de véhicule et ça va vous dire exactement à quelle compensation vous avez droit. OK. C'est basé sur quoi, tu sais-tu? Ben, en fait, la compensation est basée sur les années, hein, et sur les dates de fabrication. Okay, c'est le prix de rachat qui va changer en fonction du kilométrage et de la juste valeur et le Canadian Black Book au 18 septembre. Mais la compensation, à proprement parler, est basée essentiellement sur les années et les dates de fabrication. OK. C'est quand même pas super. Quelqu'un qui a une voiture assez récente pourrait se ramasser avec un bon deal, là, quelque chose de t'sais, tu feras pas d'argent là-dessus, là, mais je veux dire, tu peux en perdre même pas quelqu'un trop. qui a 2008-2009. Moi, j'ai un ami qui a 2008, le réalisateur de Saroul TV, là. Il a une Jetta TDI 2009 à 220 000 km. Il va toujours ramasser au moins 9 ou 10 000 $ pour. Ouais, ce que tu aurais peut-être pas, ça serait de la vendre toi-même. Tout à Ah, fait. c'est clair que non. Alors, une fois ça fait, si c'était 10 000 $ pour lui, il va retourner chez Volkswagen et s'acheter probablement un autre véhicule du même genre, là. Ouais, ça, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, ce que Volkswagen va faire avec les voitures achetées. Ils vont probablement les réparer puis les remettre sur le marché, j'imagine. Faut Ça, c'est le qu'ils. problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de réparation autorisée. Ah, au Canada ou aux États-Unis? Nulle part dans le monde, on a réussi à autoriser une réparation. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ça, là. Ça reste les questions qu'il faut poser, là. Ouais, parce que c'est dans le règlement, soit qu'on la répare, soit qu'on vous la rachète, ou soit qu'on met fin au bail, ou peu importe. Fait que s'il n'y a pas Le problème, c'est qu'il n'y a de. pas de réparation. Fait que ça, évidemment. Mais rappelle-toi, là, ça va être accepté au mois de mars prochain par les tribunaux. Le temps que ça rentre en application, il reste encore quelques mois. Ouais. À mon avis, on est capable d'aller chercher quelque chose là-dessus. Bon, ben c'est bon. Donc, Mac, on va finir là-dessus. On va faire une petite pause, puis on va revenir avec notre deuxième et, bon, dernier bloc. Normalement, on a quatre cette semaine, on va en avoir deux. Ça va être nos essais. Moi, je vais vous parler de la Buick LaCrosse, puis Marc va vous parler de la Honda Civic Hatchback. Alors, nous sommes de retour. Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu as essayé quelque chose d'assez intéressant, une voiture qu'on attend, ma foi, depuis un petit bout de temps. La Honda Civic Hatchback qui fait son grand retour en Amérique du Nord. Comment tu as trouvé ça? Ouais, ben en fait, c'est particulier parce que j'ai essayé cette voiture-là la même semaine où on est allé essayer la Cruze Hatchback. Ben oui, t'es venu à l'essai de la Cruze Hatchback avec la Civic Hatchback, ce qui est quand Exactement. même Donc, j'ai concept, là. vraiment. Oh, oui, je suis fait de même, moi. Écoute, un fou. Non, mais écoute, c'est intéressant parce que ça m'a permis vraiment de tester les deux voitures vraiment dos à dos, là. Et honnêtement, j'ai un faible pour la Civic en termes de conduite et pour la Cruze en termes de confort. OK. Fait que, tu sais, la Civic, la petite Civic, elle a son petit moteur turbo 1,5 litre 4 cylindres qu'on connaît, qui est vraiment plus nerveux, plus agréable. Surtout que j'avais la version manuelle 6 vitesses, OK, qui, ouais. elle, fonctionne très bien, contrairement à la Cruze, par exemple. Ouais, faut juste spécifier la Cruze. On n'a pas parlé de la transmission automatique, là, mais on a trouvé la transmission automatique un peu mieux que la manuelle. Ben, Oh non, ça c'est clairement, sûr. Ouais. clairement. Là, si j'avais une Cruze hatchback à m'acheter, elle serait automatique, même si j'adore conduire manuel, là, c'est même pas une condition. C'est bon. Mais effectivement, donc la Civic, la boîte de vitesse est agréable, le moteur est agréable, c'est un moteur qu'on connaît. Dans les faits, on retrouve dans la hatchback exactement tout ce qu'on retrouve dans la Civic traditionnelle, à l'exception du fait qu'on a des grosses fesses. C'est vraiment, il n'y a pas de différence majeure au niveau de la conduite, au niveau de la perspective, au niveau de la tenue de route. Il n'y a vraiment pas de nuance. On a vraiment fait un travail impeccable. On a été très, très, très rigoureux dans le maintien, dans le respect de la personnalité de l'Honda Civic. Ouais. C'est sûr que, en fait, le gros bémol de cette voiture-là, c'est juste le look, hein. T'aimes ou t'aimes pas. Beaucoup de gens ont un peu de misère avec la partie arrière de la Civic berline. Ils vont avoir de la misère au pluriel avec la partie arrière de la Civic hatchback parce que c'est encore plus proéminent, c'est encore plus évident en termes d'espace, puis de feu un peu fucké, puis de, tu sais, ça c'est la partie. Pour le reste, écoute, c'est une Honda Civic avec un tableau de bord qui est relativement facile, ergonomiquement simple, facile à manipuler. Un bémol encore pour Android Auto que je déteste cordialement, peu importe la voiture dans laquelle je l'essaie. Ouais. j'ai eu une expérience plus ou moins agréable cette semaine avec Android Auto. Là, j'en reparlerai plus tard à un moment donné. Là, mais c'est, ouais. Ben, je te dis, moi, c'est. Tu sais, écoute, autant je ne suis pas Apple pour différentes raisons, autant je suis obligé de te dire que Apple CarPlay est vraiment ça coche, ça va bien, c'est le fun. En revanche, un petit détail pour toi, mon ami, on n'est pas obligé de le brancher pour Android Auto fonctionne. Hein. OK, c'est beau. Il peut fonctionner. Il peut fonctionner en version Bluetooth, j'ai eu l'occasion de l'essayer. OK, à date, j'ai pas eu d'auto qui fonctionne. Il fallait absolument qu'il soit branché. C'est peut-être dans une mise à jour, là. Mais j'espère. Mais regarde, juste pour finir sur Android Auto, j'écoutais un podcast cette semaine, puis dans le podcast, ça disait OK à un moment donné. Puis aussitôt oui. que ça disait OK, puis ça faisait une pause, Google me demandait si je partais l'écoute audio pour voir si j'avais donné une commande. Parce que quand tu dis OK Google, tu peux. Ils vont écouter pour tes commandes si tu veux quelque chose. Ben à chaque fois que ça disait OK, ça arrêtait mon podcast, puis le téléphone m'écoutait comme si je voulais faire une demande. Fait que finalement, j'étais obligé d'avancer d'une couple de secondes pour passer cette partie-là, parce que j'étais pris dans une loupe, là. Ça arrêtait c'est pas. Le fun. Fait que, ouais, c'est le fun, c'est hein? plateur. Alors, non, vraiment. Ouais. Android Auto, on n'est pas là du tout. Je veux dire, tu le sais, on l'a vécu ensemble avec la Cruise Hatchback, c'était pareil dans la Civic Hatchback. Quand tu pars Android Auto, tu ne peux plus changer. Il faut que tu mettes ta radio comme il faut d'avance. Ouais. Parce qu'une fois dans Android Auto, ça ne marche plus, tu ne peux plus revenir, tu ne peux plus syntoniser la radio à moins de sortir d'Android. Bref, honnêtement, j'aime pas ça. C'est un système là, qui a besoin d'être perfectionné et j'aime pas ça. Mais pour le reste, dans la Civic, vraiment, voiture qui a une tenue de route impeccable. En termes de compact, objectivement, c'est vraiment une des meilleures sur le marché. Et le fait qu'on lui ait ajouté de l'espace de chargement ne fait que l'aider. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce véhicule-là. Si j'avais une Civic à m'acheter, ce serait la version compacte sans équivoque, parce que tu n'as aucun compromis sur la conduite. Le seul compromis que tu as, en fait, c'est celui de l'espace. Puis pour les passagers arrière, c'est exactement le même espace que dans une Civic berline ordinaire. Alors honnêtement, là, on a fait une belle voiture à haillons, une belle voiture 5 portes. Belle dans le sens de bonne, je te dirais. Ouais. Belle dans le sens de look, là, ben là, c'est une question de choix, évidemment. Ben, je trouve la Civic, c'est une belle voiture, puis je sais pas si t'en vaux autant que moi, mais Civic, en général, je ne vais pas nécessairement la hatchback, là, mais la nouvelle Civic, là, on dirait quasiment que c'est des lapins, là. Ça s'est multiplié oui. ses routes, là, c'est incroyable, puis il n'y a pas, autant que tu voyais des anciennes Civic, autant qu'à un moment donné, ça s'était calmé, parce que, bon, je sais pas, la dernière génération, le monde l'aimait moins, mais... À partir de 2012, c'était une très mauvaise voiture, mais ils se sont beaucoup améliorés, là. Ouais, mais la nouvelle, là, je veux dire, elle vient de sortir, ça fait pas longtemps, là, puis il y en a partout sur la route, là, c'est incroyable, là. Le monde sont revenus à leur amour de la Civic, là, ça va être... Oui, puis Honda a été très agressif sur les ventes. En revanche, toi, t'as essayé un modèle qui va probablement se croiser moins souvent sur la route. Oui, j'ai essayé la nouvelle Buick LaCrosse. Bon, en partant, là, c'est une voiture magnifique. Je trouve qu'ils ont fait un très beau travail pour moderniser cette voiture-là. J'avais essayé la dernière version. C'était aussi une voiture qui était bon, correcte et confortable. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec la nouvelle version de la LaCrosse, la LaCrosse qui a gagné dans sa catégorie de voiture de luxe, donc de berline de luxe. Donc qui va avoir la chance de gagner le titre de voiture de l'année. On verra si ça va se rendre jusque-là. Mais quand même... Ouais, non, là, j'ai un doute, là. J'espère ouais, que ça marche. Ben, ça devrait pas, normalement. Là, il y a beaucoup... d'après moi, ça va être l'Elantra, là, mais ça peut être un VUS aussi. Mais ça reste que c'est une voiture magnifique. Bon, on a un V6 de 3,6 litres qui développe 310 chevaux, 282 livres pieds de coupe. On va mettre la mécanique tout de suite là. Jumelé avec une transmission à 8 vitesses puis avec un système stop-start. Donc, quand on arrive à un stop ou une lumière puis on est là assez longtemps, le moteur va s'éteindre pour diminuer la consommation d'essence. C'est une voiture qui est pas dure du tout sur l'essence pour sa grosseur, là. Dans ma semaine, j'ai fini avec une moyenne de 9,3 litres au 100 km puis je suis certain que j'aurais pu faire mieux. Mais comme la dernière fois que j'avais une Buick LaCrosse, quand j'étais la chercher et la reporter, ben, j'ai fait ça dans une tempête de neige. Qui dit tempête de neige dit trafic. Qui dit trafic dit voiture qui avance pas. Et puis si t'as pas le temps d'arrêter puis que le système stop-start arrête le moteur, ben là, c'est là que tu consommes plus. Donc ça a remonté un peu ma consommation, mais je pense que j'aurais pu probablement finir dans le haut 8 plutôt que le bas 9 avec cette voiture-là. Confort, c'est vraiment comme. Tu sais, c'est La Lacrosse se place très bien entre les produits Chevrolet et les produits Cadillac. C'est qu'on a du luxe, on a du confort pour un prix qui est un peu plus abordable. Là, si on regarde, la Lacrosse commence à un prix de à peu près 35 500 $, là, le modèle de base. Le modèle que moi j'avais était grandement équipé. Là. On parle d'une voiture qui est rendue à 46 000 $, donc 10 000 $ de plus d'options. Mais là, j'avais toute la technologie avec le contrôle le cruise control adaptatif, des choses comme ça. J'avais le système de son plus haut de gamme, le stationnement automatique, puis détection d'angle mort et tout ça. Donc, j'avais vraiment plein de technologies dedans. C'est un package qui vaut 1 800 $, ce qu'on appelle le Driver Confidence Package. Puis j'avais le Sun and Shades Package qui est 2 135 $. Fait que juste là, on a comme presque 4 000 $ d'options là, sur la voiture. Ça commence à être pas mal. Mais c'est une voiture que j'ai adorée, qui se comporte très bien, qui est très confortable. J'aime la finition intérieure. Je trouve qu'on a eu aussi, avec le système, tu connais le système Q de Cadillac, qui est bon, qui s'améliore, on dirait, qui améliore les choses. C'est moins pénible que c'était dans les premières générations. Fait que le système de Buick est un petit peu, on a plus de boutons physiques. Ce que j'aime avoir des boutons physiques dans mes systèmes de divertissement. Là, c'est bien le fun, des boutons que tu pèses un peu partout, mais t'as pas, souvent, c'est comme si t'as pas de réaction. Fait que tu vas toucher un bouton puis tu sais pas si le système a pris ou pas pris ta commande et tout ça. Buick ont bien joué avec ça. On a les mêmes systèmes qu'ailleurs. Là, ça se connecte aussi bien que le Chevrolet MyLink, qui est un bon système. C'est plus ouais, effectivement. Moi, avec lequel j'avais de la misère parce que, pas de bouton. Puis, je sais pas, c'est un système qui était pas bien peaufiné. C'était pas mon préféré, mais on s'améliore aussi ce côté-là. Ce que j'aime aussi des détails qu'on a fait à l'intérieur, le tableau de bord est très joli, puis il est comme à 2 étages. Puis si on remarque, c'est dur à remarquer dans la journée, on pense que c'est une ligne de chrome, mais le soir, quand il fait sombre, puis on a des lumières à l'intérieur de la voiture, c'est une ligne de couleur, c'est une ligne lumineuse, c'est une ligne comme bleu lumineuse, puis ça va jusque dans les côtés, puis ça va même jusqu'en arrière. C'est très joli. Puis vraiment, faut la conduire de soir ou de nuit pour le remarquer, là, parce que dans la journée, on va juste penser que c'est une ligne chromée ou ça paraît pas. Mais de soir, ça fait un habitacle qui est très, très joli. Confortable, les sièges, j'ai trouvé qu'ils étaient confortables. Ajustable aussi. Bon, j'avais du cuir et tout ça. Là. C'est quand même une voiture assez haut de gamme. Mais dans l'ensemble, c'est une très, très belle voiture. Là. Dans l'ensemble, c'est autant l'intérieur que l'extérieur. C'est une voiture qu'on a. T'sais, ce qui est le fun chez Buick, en fait, c'est qu'on a réussi à garder, à préserver la personnalité de voiture de luxe, puis en oubliant le côté un peu pépère. La Cross en est un bel exemple, même si je continue de détester cordialement son nom. Oui, le nom qui a rechangé, hein, c'était pas. Oui. Avant, on avait le nom était changé pour le Canada. Aux États-Unis, elle s'est appelée la Lacrosse pendant, je pense, toujours. Mais au Canada, ouais. C'était pas la Le Sabre ou quelque chose comme ça au Canada. Non, c'était la Allure de mémoire. Allure. Fait qu'elle avait un autre nom. Puis finalement, à un moment donné, GM s'est dit, c'est parce qu'on fait ça juste pour le Canada, puis vraiment juste pour une province. Fait que on ramène le nom original, puis c'est redevenu ça, la Buick Lacrosse. Mais c'est une excellente voiture, c'est une voiture que j'ai beaucoup appréciée, très confortable dans, tu sais, pour faire de la grande route ou être un peu dans le trafic là. Fait que j'ai vraiment vraiment apprécié cette voiture là. Je peux comprendre le fait qu'elle ait été en nomination pour voiture berline luxueuse de l'année, qu'elle ait gagné. J'étais pas là, je peux pas comparer avec les autres, mais c'est quand même une voiture crédible et qui a du potentiel pour gagner les grands honneurs. C'est pas une mauvaise voiture. C'est juste que, dans mon cas, moi, je trouvais que par rapport, par exemple, à une Mercedes Classe E ou à une Volvo S90, ouais, elle était peut-être un peu moins, je dirais, un peu moins à sa place, mais malgré tout, c'est une très, très belle. C'est vraiment une belle et une bonne voiture, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Oui, puis c'est ça. Puis le tu sais, Buick, un peu pépère, c'est un peu comme Cadillac. Hein. C'était bon, voiture pour personnes plus âgées. Là, on essaie de rajeunir la gamme, c'est la même chose chez Buick. On essaie de rajeunir peut-être la clientèle. Moi, j'ai vraiment aimé la voiture. Ma conjointe aussi a vraiment beaucoup aimé la voiture. Elle trouvait que c'était vraiment confortable et tout ça, puis vraiment joli, là. Donc, j'ai rien à dire. C'est une voiture qui est confortable, jolie, puis quand même, tu sais, abordable. Si on parle d'une voiture qui commence à 35 500 $, c'est sûr que vous n'aurez pas tout l'équipement et tout ça. Mais, tu sais, vous êtes capable d'avoir une voiture qui a de l'allure, qui est quand même confortable pour un prix qui est quand même raisonnable. C'est une bonne voiture, qu'est-ce que je dis de plus? Effectivement, c'est un bon choix. Donc, Marc, on va finir là-dessus, une petite émission écourtée. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Par courriel, auto avec un S à cgocable.ca ou sur ma page Facebook. C'est l'endroit où je suis presque tout le temps. Et bien sûr, Twitter, Marc Souligné Bouchard, ainsi que notre adresse courriel commune que je te laisse le soin, comme d'habitude, de donner. Info à saroulradio.com. Vous pouvez aussi nous visiter sur saroulradio.com, trouver les émissions et tout ça. Pas beaucoup d'articles, vraiment des émissions qui sont déposées là-dessus. On a une page Facebook, Saroul Radio, un compte Twitter, Saroul Radio aussi. Et personnellement, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à Scalazormo. Si jamais vous voulez jaser voiture, jeux vidéo, peu importe, cinéma. Je suis ouvert à tous ces sujets-là. Je trippe un peu sur à peu près tout ça. Donc, c'est pas mal ça. Ça fait le tour. Marc, merci d'avoir fait cette émission avec moi encore une fois cette semaine. Émission écourtée, mais quand même. Les auditeurs, merci beaucoup de nous avoir suivis tout ce temps-là. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes, surtout un joyeux Noël, parce qu'on va revenir, si tout va bien, pour vous souhaiter un bon jour de l'an. Et puis, si vous conduisez, s'il vous plaît, ne buvez pas. Ah, en fait, pas juste boire. Tout ce qui est faculté affaiblie, et ça implique aussi des médicaments contre le rhume qui donnent la somnolence, incluant de la fatigue abondante. Soyez prudents, c'est pas parce qu'on est capable, selon le livret sommaire de conduire, qu'on devrait le faire. Soyez prudents, on aimerait ça que vous soyez ça, et soyez là encore la semaine prochaine pour nous écouter. Super. Donc, Marc, merci encore, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye, bonne semaine.